Ézéchiel chapitre 17. Et la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Fils d'homme, propose une énigme, et mets en avant une similitude à la maison d'Israël. Et dit, Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, une grande aigle à grandes ailes, et d'un long plumage, pleine de plumes comme en façon de broderie, est venue au Liban, et en a enlevé la cime d'un cèdre. Elle a rompu le bout de ses jets, et l'a transporté en un pays marchand, et l'a mis dans une ville de négociants. Et elle a pris de la semence du pays, et l'a mise en un champ propre à semer, et la portant près des gros seaux, l'a plantée comme un saule. Cette semence poussa, et devint un cep vigoureux, mais bas, ayant ses rames tournées vers cet aigle, et ses racines étant sous elle, cette semence devint donc un cep, et produisit des sarments, et poussa des rejetons. Mais il y avait une autre grande aigle à grandes ailes, et de beaucoup de plumes, et voici, ce cep serra vers elle ses racines, et étendit ses branches vers elle, afin qu'elle l'arrosât des eaux, qui coulaient dans les carreaux de son parterre. Il était donc planté en une bonne terre, près des gros seaux, en sorte qu'il jetait des sarments et portait du fruit, et il était devenu un cep excellent. Dit, Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, viendra-t-il à bien? N'arrachera-t-elle pas ses racines, et ne coupera-t-elle pas ses fruits, et ils deviendront secs? Tous les sarments qu'il a jetés sécheront, et il ne faudra pas même un grand effort, et beaucoup de monde, pour l'enlever de dessus ses racines. Mais voici, quoique planté, viendra-t-il pourtant à bien? Quand le vent d'Orient l'aura touché, ne séchera-t-il pas entièrement? Il séchera sur le terrain où il était planté. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, Dis maintenant à la maison rebelle, ne savez-vous pas ce que veulent dire ces choses? Dis, voici, le roi de Babylone est venu à Jérusalem, et en a pris le roi, et les princes, et les a emmenés avec lui à Babylone. Et il en a pris un de la race royale, il a traité alliance avec lui, il lui a fait prêter serment avec exécration, et il a retenu les puissants du pays, afin que le royaume fût tenu bas, et qu'il ne s'élevât point, mais qu'en gardant son alliance, il subsista. Mais celui-ci s'est rebellé contre lui, envoyant ses messagers en Égypte, afin qu'on lui donnât des chevaux, et un grand peuple. Celui qui fait de telles choses, prospérera-t-il, échappera-t-il, et ayant enfreint l'alliance, échappera-t-il? Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, si celui-ci ne meurt au pays du roi qui l'a établi pour roi, parce qu'il a méprisé le serment d'exécration qu'il lui avait fait, et qu'il a enfreint l'alliance qu'il avait faite avec lui, si, dis-je, il ne meurt dans Babylone. Et Pharaon ne fera rien pour lui dans la guerre, avec une grande armée et beaucoup de troupes, lorsque l'ennemi aura dressé des terrasses, et bâti des bastions pour exterminer beaucoup de gens. Parce qu'il a méprisé le serment d'exécration, en violant l'alliance, car voici, après avoir donné sa main, il a fait néanmoins toutes ces choses-là, il n'échappera point. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je suis vivant, si je ne fais tomber sur sa tête, mon serment d'exécration qu'il a méprisé, et mon alliance qu'il a enfreinte. Et j'étendrai mon ray sur lui, et il sera pris dans mes filets, et je le ferai entrer dans Babylone, et là j'entrerai en jugement contre lui, pour le crime qu'il a commis contre moi. Et tous ces fugitifs, avec toutes ces troupes, tomberont par l'épée, et ceux qui demeureront de reste seront dispersés à tout vent, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je prendrai aussi un rameau de la cime de ce haut cèdre, et je le planterai, je couperai, dis-je, du bout de ces jeunes branches un tendre rameau, et je le planterai sur une montagne haute et éminente. Je le planterai sur la haute montagne d'Israël, et là il produira des branches, et fera du fruit, et il deviendra un excel cèdre, et des oiseaux de tout plumage demeureront sous lui, et habiteront sous l'ombre de ses branches. Et tous les bois des champs connaîtront que moi, l'Éternel, j'aurai abaissé le grand arbre, et élevé le petit arbre, fait sécher le bois vert, et fait reverdir le bois sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je le ferai.